Vous suivez la radio Isanganiro. Bienvenue, chers auditeurs et auditrices. C'est dans ce journal dont voici les titres. Le 3 mai de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de liberté de la presse au Burundi. Cette journée arrive au moment où les médias font face à plusieurs défis. Vous le suivez dans ce journal. Et la coupure du courant électrique et ceux qui demandent des documents de voyage utilisant les documents frauduleux sont les principales causes des retards de l'octroi des documents de voyage au bureau des migrations. Et les exploitants des débits de boissons en commune Mukaza se plaignent d'enregistrer d'énormes manques à gagner liés à la pénurie de produits. Blaloudi, tous demandent à la Blaloudi de trouver une solution à ce problème. Voilà pour les titres. Jean-Marie Mayonga, la présentation. Albin Douaya sur la mise en onde. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ce 3 mai est une journée internationale de la liberté de la presse. Au Burundi, cette journée intervient dans un contexte difficile pour l'exercice du métier. En effet, certains journalistes qui se sont exprimés à la radio-télévision Isanganiro déplorent l'incarcération de leurs confrères. S'ajoute la rétention de l'information par certains officiels, privant ainsi au public le droit d'être informé. Ces journalistes réclament aussi la latitude de pouvoir communiquer facilement les résultats de vote lors des prochaines échéances électorales. Suivez-les au micro-baladé de la rédaction. On peut affirmer qu'au Burundi, il y a la liberté de la presse parce qu'il y a les lois qui régissent la presse et les lois qui sont toujours retouchées pour intégrer les nouvelles réalités du moment. Au Burundi aussi, le journaliste peut couvrir des informations sur tout le territoire du pays, en général sans entrave. Ce sont certains des indicateurs qui montrent qu'au Burundi, il y a la liberté de la presse. À ces indicateurs, j'ajouterais aussi la liberté de création des médias. Au Burundi, il y a cette liberté de créer les médias. Comme il y a des avancées en matière de la liberté de la presse, il y a aussi quelques défis qui hantent toujours la liberté de la presse au Burundi. Ces défis sont notamment la réticence des décideurs quand les journalistes demandent des interviews en rapport avec les sujets d'information à traiter dans les rédactions respectives. Certains décideurs alors n'accordent pas les interviews comme il fallait. Il y donne un autre défi majeur, c'est que la liberté de la presse aujourd'hui se célèbre au moment où on parle souvent des journalistes incarcérés. Ça, c'est aussi un autre défi. Cette journée de la liberté de la presse que nous célébrons aujourd'hui arrive à l'approche de l'échéance électorale 2025. Alors, c'est mieux que les journalistes, pendant cette échéance, soit plus libre. Ça donne aussi la crédibilité à notre pays. En fait, la liberté de la presse vient au cas où le Burundi connaît une pénurie. Surtout, c'est les denrées alimentaires et le manque de carburant. Vraiment, nous pouvons dire que la liberté de la presse vient dans des conditions qui ne sont pas faciles. Il y a nos camarades, nos frères et sœurs qui sont emprisonnés et nous réclamons que la justice soit ouverte à eux. La journée que nous célébrons dans la période où nous approchons la période électorale et nous réclamons beaucoup plus que notre fonction soit encadrée de plus parce que la période des élections, c'est la période qui est très difficile. Lorsque je parle de la liberté de la presse, actuellement, je pourrais dire qu'il y a un régime, même si ça ne se démontre pas à suffisance. Puisqu'il y a des séquelles de 2015, des journalistes n'ont pas accès aux informations, c'est-à-dire qu'il y a des personnes de ressources qui s'abstiennent à donner des informations. Et lorsque on s'abstient à donner l'information, c'est la population qui en paie de lourdes tribus, c'est aussi le journaliste parce qu'il n'aura pas à dire, parce que les personnes de ressources n'ont rien dit. Pour dire que la liberté de la presse n'a jamais atteint le point où on veut en tant que journaliste. Et vous voyez que nous célébrons la journée mondiale de la liberté de la presse alors qu'il y a trois journalistes qui sont incarcérés. Et lorsqu'un journaliste est incarcéré, c'est sa liberté qui est mise en cause, c'est la liberté de la presse qui est mise en cause, c'est la liberté de la population à s'exprimer qui est mise en cause. Vous avez vu qu'en 2020, des barrières ont été mises devant les journalistes qui ne leur ont pas permis de pouvoir communiquer les résultats des élections. L'Internet était coupé, c'est-à-dire qu'on devrait passer par d'autres voies et moyens pour pouvoir donner des informations sur l'OTA. Puisque le journaliste n'avait pas le droit de communiquer les résultats des informations, donc je demanderais à ce que les journalistes aient le droit de pouvoir communiquer les résultats des élections en temps réel. La célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse au Burundi arrive au moment où les médias font face à plusieurs défis, comme pression politique et économique, difficulté d'accès à l'information et absence de contrat de travail. La présidente de la Maison de la presse au Burundi plaide pour la dépénalisation des délits liés au travail journalistique et d'avoir accès à l'information cherchée auprès des pouvoirs publics. Suivez Mireille Kanyang, présidente de la Maison de la presse au Burundi. La Journée mondiale de la liberté de la presse est une occasion de nous évaluer et fixer de nouvelles perspectives. En ce qui nous concerne, nous constatons que de nouveaux médias continuent à voir le jour, ce qui est une bonne chose. Parallèlement, qu'ils soient nouveaux ou anciens, les médias font face à plusieurs défis. Il y a des pressions politiques et économiques, des difficultés d'accès à l'information, la vétusté ou simplement l'absence d'équipements adaptés, l'absence de sécurité sociale pour certains, l'absence de contrat de travail, harcèlement sexuel en milieu de travail. Il convient également de souligner qu'il n'existe pas encore jusqu'ici d'association nationale regroupant tous les journalistes du Burundi, ce qui limite notre capacité à défendre collectivement nos droits et intérêts professionnels. Face à cette situation, je voudrais saisir l'occasion afin de plaider pour l'intégration dans le projet de loi sur la presse, remplaçant celui de 2018, des points que nous jugeons fondamentaux. Nous plaidons pour la dépénalisation des délits de presse, pour le travail des journalistes afin d'éviter toute intimidation ou harcèlement judiciaire. Il est également crucial que les amendes prévues par le projet de loi ne soient pas exorbitantes et disproportionnées par rapport aux infractions qui peuvent être commises par des journalistes. Nous demandons un accès à l'information, notamment l'information que nous recherchons auprès des pouvoirs publics. Nous demandons que la prochaine loi soit sensible au genre afin d'assurer une meilleure représentation des femmes dans et à travers les médias. Evestine Nahimana, présidente du Conseil national de communication, invite tous les professionnels des médias à conjuguer les efforts pour accompagner les initiatives engagées dans la protection de l'environnement. La présidente du Conseil national de la communication, CNC, demande aux responsables des médias de constituer les équipes des journalistes qui sont formés pour faire des reportages dans les zones les plus touchées par le changement climatique. La Journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée sous le thème « La presse au service de la planète, crise environnementale et urgence du journalisme ». Suivez Vestine Naïmana, présidente du Conseil national de la communication. Le Conseil national de la communication se tient déjà prêt à jouer pleinement son rôle de promoteur de la liberté de la presse, mais aussi sa mission de régulateur des médias. Et c'est pourquoi nous nous joignons aux organisateurs de cette journée pour lancer un vibrant appel aux professionnels des médias à conjuguer leurs efforts pour accompagner les initiatives des acteurs engagés dans la maîtrise des phénomènes climatiques. La liberté de la presse sous-entend également la maîtrise du métier de journaliste pour en exorciser tous les secrets, surtout en cette période sensible et délicate. Le Conseil national de la communication invite les responsables des médias à vite constituer les équipes des journalistes qui pourraient se spécialiser dans les secteurs de l'environnement, qui vont être affectés à la couverture des zones les plus affectées. Le Conseil national de la communication vous promet un accompagnement sans faille. Pour ce faire, le Conseil national de la communication propose de capitaliser sur les acquis, notamment la synergie des médias. Interroger le passé pour s'inspirer des cas de succès et prévenir les erreurs qui auraient entaché le travail des médias lors des couvertures médiatiques des phénomènes du genre. La liberté de la presse est certes indispensable et la responsabilité sociale du journaliste en est la base. Vestine Naïmana, présidente du Conseil national de la communication. Sandra Muhoza, journaliste de la Nova Burundi, détenue à la prison centrale de Mhimba depuis jeudi 18 avril 2024. Les informations fournies par ses avocats indiquent qu'elle est poursuivie pour deux infractions. Il s'agit de l'atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale. Elle a été arrêtée en date du 13 avril cette année. Des sources proches de sa famille et son employeur précisent que Muhoza venait de répondre à un appel d'une personne qui promettait de lui fournir des informations. comparution ce jeudi du journaliste Kenny Claude Nduimana devant le tribunal de grande instance de Mukaza, détenu à la prison centrale de Mhimba depuis octobre de l'année passée. Il est accusé d'outrage envers les dépositaires de l'autorité publique et l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Après audition, le tribunal a remis l'audience au 16 juillet 2024 et pour cause, son co-accusé dans cette affaire, Medar Mouhiza, qui a été libéré provisoirement, ne s'est pas présenté pour l'audience de ce jeudi. Le journal continue. Le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom, s'inscrit en faux contre l'emprisonnement des journalistes ainsi que contre le code électoral et qui interdit aux journalistes de communiquer les résultats électoraux au niveau des bureaux de vote pendant les élections prochaines. Gabriel Fieri le dit en cette date du 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse. Se basant sur le rapport du Reporter sans frontières de l'année 2023, il a confirmé au cours d'une conférence de presse que la liberté de la presse au Burundi continue à se détériorer. On l'écoute. Étant donné que l'accès à l'information est un droit de chaque citoyen burundais et compte tenu des traités et conventions ratifiées par le Burundi, dont entre autres la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'ORICOM recommande ce qui suit. Au gouvernement du Burundi, libérer provisoirement les trois journalistes emprisonnés afin qu'ils soient poursuivis état libre. Que les journalistes accèdent à toute information comme le garantit la constitution burundaise et les traités et conventions que le Burundi a ratifiés. Annuler tous les mandats d'arrêt qui pèsent sur certains journalistes en exil afin d'asseoir le climat d'apaisement en vue d'arrêt dans les élections inclusives, transparentes et apaisées. Il en est de même pour d'autres groupes comme la société civile et autres. Quel représentant du gouvernement et du parti au pouvoir participe dans les émissions de débats contradictoires afin de garantir le principe de redevabilité? Ici, nous le signalons parce que nous voyons souvent que les représentants du parti au pouvoir et les représentants du gouvernement ne participent plus dans les débats organisés par les médias privés. Aux autorités, aux journalistes et à la population, nous recommandons de vaincre la crise de confiance que l'ORICOM observe et donne l'information en vue de garantir le droit d'accès à l'information qui est un droit incontournable dans la promotion de la gouvernance et la lutte contre la corruption au Burundi. Le président de l'ORICOM trouve également que les journalistes burundais ainsi que leurs médiums font face à une précarité financière. Il demande au gouvernement au bailleur d'octroyer les moyens suffisants à la presse burundaise pour qu'elle puisse accomplir sa mission. Encore une fois, Gabriel Rufiri. Le secteur des médias a beaucoup de défis, dont un défi qui est lié aux moyens de subsistance. Que ce soit les journalistes, que ce soit les entreprises de presse, nous constatons avec regret que ce domaine est presque un domaine oublié. Nous pensons que si réellement, que ce soit le gouvernement et d'autres partenaires, puissent vraiment contribuer jusqu'à ce que le secteur des médias soit un secteur rentable. Je ne dis pas avoir beaucoup, mais quand même, ils ont besoin beaucoup de moyens pour travailler. Regardez par exemple, actuellement, nous avons un problème de carburant. Il y a un problème de pénurie d'électricité. La plupart des médias actuellement sont appelés à acheter des produits pétroliers faute d'électricité. Nous faisons vraiment un appel vibrant à l'endroit des partenaires du Burundi, à l'endroit du gouvernement, de tout faire pour que le secteur des médias soit un secteur qui a des moyens, surtout les moyens matériels et financiers. Nous constatons qu'actuellement, c'est un problème vraiment que nous constatons. Tout le monde peut se poser la question pourquoi l'ORICOM parle de cela. D'abord, les médias, c'est le quatrième pouvoir, ça c'est un. Les médias sont là, non pas pour le gouvernement, mais pour l'État. C'est-à-dire pour le gouvernement, pour le territoire, pour les institutions, pour les citoyens, c'est pour tout le monde. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Radio Sanganiro Journal continue. Les demandeurs de documents de voyage qui utilisent des documents fraudulés et la coupure du courant électrique sont les principales causes du retard de l'octroi des documents de voyage qui se remarquent ces derniers jours. Le commissaire général des migrations, Maurice Mbonima, qui s'exprimait dans une conférence de presse animée ce vendredi, affirmait que certains présumés auteurs sont déjà traduits en justice. Il appelle les demandeurs de ces documents de suivre la voie officielle, tout en rassurant qu'ils sont disponibles en quantité suffisante. Des marchandises estimées à une valeur de 500 millions sont parties en fumée à cause d'un incendie qui s'est déclaré dans la soirée de Sojedo marché de Rouvumera en zone Ebouyenzi. D'après les informations recueillies sur place, ces marchandises étaient stockées dans la partie où travaillent les tailleurs. Mais le feu a pu être maîtrisé à temps. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Sanganiro indiquent qu'ils ne savent pas l'origine de cet incendie. Ils demandent néanmoins à ceux que les activités dans le marché soient clôturées, qu'aucun commerçant n'y reste une fois les portes fermées. Contacté, le commissaire de ce marché n'a pas voulu répondre à notre sollicitation. Les exploitants du débit de boissons en commune et Mukaza se plaignent d'enregistrer d'énormes manques à gagner liés à la pénurie des produits Blaroudi. De leur côté, certains consommateurs de ces produits se rabattent sur des boissons dont ils ne maîtrisent même pas la teneur en alcool, au risque de mettre en danger leur santé. Tous demandent à la Blaroudi de trouver une solution à ce problème. Suivez ce micro-trottoir de la rédaction. Dans les conditions normales, nous subvenons à tous les besoins nécessaires, que ce soit payer le loyer et nos employés, mais en cas de pénurie de ces produits Blaroudi, nous nous retrouvons incapables de travailler comme il faut. Une autre chose, les clients ne peuvent pas commander à manger dans un bistrot où il n'y a pas de boisson. Et là, c'est une perte aussi du côté de la cuisine, parce qu'on avait déjà acheté la viande de chèvre. Nous pouvons passer deux jours sans que nos bistrots soient approvisionnés en boissons. Vous comprenez que le bénéfice est lié à la quantité des produits servis. Mais pour moi, je trouve que la faute n'est pas de la Blaroudi, car la disponibilité de ces produits dépend des conditions desquelles l'entreprise fonctionne. Nous avons confiance à l'entreprise Blaroudi par rapport à la qualité de ses produits. Mais suite à la pénurie de ses boissons, il y a des gens qui préfèrent boire des boissons non très connues et très alcoolisées et pouvant causer des conséquences néfastes à la santé. Car on a déjà assisté à des gens qui tombent dans l'ivresse totale après consommation d'une petite quantité. Et je profite d'ailleurs de cette occasion pour demander aux autorités habilitées de contrôler et vérifier la qualité de ces boissons. Nous demandons à l'entreprise Blaroudi de faire tout le possible pour disponibiliser ses produits. Sinon, on se retrouve dans des conditions où ça devient difficile de payer les taxes et impôts à l'OBR. Et la fois passée, l'OBR avait fermé nos bistrots suite à ce problème. Et malheureusement, les agents de l'OBR ne comprennent pas les circonstances dans lesquelles nous travaillons. Nouvelle des provinces, l'hôpital Kayanza offre des services sous un système d'informatisation médicale dite Open Clinic depuis 3 ans et la satisfaction des patients qui le fréquentent. Nestor Sengyoum, va au point focal du projet, indique que non seulement le système a facilité la tâche aux prestataires de soins dans cet hôpital, mais aussi il a permis de relever sa situation financière. Toutefois, il trouve que si les centres de santé utilisaient aussi ce système, la référence des patients serait aussi facile. Nous devons cette information à notre correspondant Patrick Nsengyumba depuis Kayanza. Fin de ce journal et merci à vous de nous avoir suivi. Merci à Albendoué pour la technique. Jean-Marie Mayonga était avec vous à la présentation. Bonne suite de notre programme. Au revoir.